Arc-en-ciel, il est très exactement 14h. Et c'est lundi, donc le lundi, c'est de 14h à 16h. C'est cocktail coloré avec Michel, donc jusqu'à 16h. Et ensuite, je vous laisse en compagnie du Portugal avec RDP, en direct du Portugal. Je vous souhaite un bon après-midi à l'écoute du 96.2. Et on va démarrer tout de suite, si j'ose dire, avec l'orchestre de Jacques Elian. Ou Jacques Elian et son orchestre, c'est comme vous voulez. Chantons Paris. Change un peu, bien sûr, avec Francis Linel qui nous interprète la Touraine. Connaissez-vous la Touraine? C'est à deux pas de Paris.

silence. Et on continue avec Franck Michael, qui nous interprète « Tu t'en vas ». We'll be right back.

c'était un songe avant l'aurore. Dieu, que ce rêve était charmant, c'était un songe avant l'aurore. Dieu, que ce rêve était charmant. À l'accordéon, Albert Hendel. J'ai trouvé, on dirait une archive, c'est presque une archive, c'est même une archive, une version originale qui date de 1917 de la Madelon. Et c'est chanté par Marcelli, chanteur d'époque bien entendu. Ah, ça gratte un peu, hein, disque à rouleau. Pour le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas d'après. Une maisons, au mur tout couvert de lierre, autour le rouge, c'est le nom du cabaret. La pierre voit des chenets boitillés, légère comme un papillon, comme une province pour l'œil critique. Nous appelons la madrone, nous en rêvons la nuit, nous y pensons au jour, ce n'est que madelon, mais pour nous faire amour. La madelon, je suis cassé la poêle, la poêle, au poêle, dans tes corps, et la gare, tu peux changer de toile, tu as dit quoi, la gare, la gare, la madelon, pour nous n'est pas très belle. Un caporal en dépit de son désir a pu trouver Madelon à bon matin. Et tout amour lui disait les défolies, et qu'il fallait pour lui demander sa main. La Madelon s'en met en forme, lui répondit en souriant. Et pourquoi prendrais-je un homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Ah oui, il faut apprécier cet enregistrement de la firme Pathé, qui a quand même, pas la firme Pathé, mais l'enregistrement, qui a quand même 103 ans. On continue, bien sûr, avec du nouveau, si je peux dire, enfin, une ancienne chanson mise à goût du jour par Damien Payard à l'accordéon. Et c'est. Ben, je sais plus ce que c'est les gars de la marine. Petit port, plus d'une fille blonde nous garde ses trésors. Pas besoin de pognon, mais comme compensation, à toutes nous donnons un petit morceau de poivre. C'est nous, les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit bras ouverts, les vieux lumières. Quand une fille chagrine, on se console avec la mer. C'est nous, les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, plus nous saillons au commandant. Les amours d'un col bleu, ça ne dure qu'un jour ou deux, à peine le temps de se plaire et de se dire adieu. On a peu de chagrin, ça passe comme un grain, c'est le plaisir de la terre, c'est pas pour les marins. Nous n'avons pas le droit de vivre sous un toit. Pourquoi une moitié quand on a le monde entier? C'est nous, les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les soit bras ouverts, les vieux lumières. Quand une fille nous chagrine, on se console avec la. De la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, plus nous saillons. 96.2. La FM en couleur. Et sur la FM en couleur, on va continuer avec Amour de montagne par l'orchestre Dominique et Stéphanie Floquier. Maintenant, la montagne par Guylaine Nord. 14h38. Bien née, noueuse comme un pied de vigne. Maintenant, Jean Lemierre nous interprète les quatre dimanches de mai. Le premier dimanche de mai, j'entrevis son joli sourire. Et comme aussitôt je l'aimais, je m'empressais de le lui dire. Écouta les yeux fermés, mon aveu, mes phrases troublantes. Puis me tendit sa main tremblante. Le premier dimanche de mai, le second dimanche de mai, je la retrouvai moins farouche. Car sous les lilas embaumés, elle m'abandonna sa bouche. Quel beau projet fut reformé, on poursuivrait la même route. La vie nous appartenait toute. Le second dimanche de mai, troisième dimanche de mai, rire, chanson dans les guinguettes. Je dansais mal et fus blâmé par mon amoureuse en goguette. Un autre vint la réclamer pour une valse sans sorceleuse. Et j'eus l'âme un peu malheureuse. Ce dimanche du mois de mai, le dernier dimanche de mai, au rendez-vous bien à l'avance, j'arrive certain d'être aimé. J'avais pris des leçons de danse, mais de plus en plus alarmé, j'ai compris, voyant passer l'heure, que mon beau rêve était un leurre. Le dernier dimanche proche de moi. Et un petit coup d'accordéon en passant avec Damien Poyard. Très belle chanson chantée par Bill Enlor, la berceuse du rêve bleu. Cheers. Très belle chanson par Yann Lor. On va écouter maintenant une composition de Didier de Sauche à l'accordéon. C'est un gars de Saône-et-Loire, de Bourgogne. Et ce sont des paroles de Damien Poyard. Didier de Sauche, c'est l'accordéoniste qui a enregistré mon indicatif d'émission L'accordéon de nos régions. Ancienne formule, bien sûr, pas celle actuelle. Avec Odette Perret, les paroles. Alors on écoute maintenant donc Bourgogne Jolie, Didier de Sauche, Damien Poyard. Eh bien, on va continuer avec les chansons. Silence, on va continuer avec les chansons. Et maintenant, ce sera Edith Piaf, Je hais les dimanches. Mmh. petite erreur de ma part, je l'avoue humblement. Tino Rossi, le dimanche dans la rue. Depuis qu'on fait des chansons de toutes les façons, sur tous les caractères, que de refrains langoureux sont pour les amoureux devenus populaires. Valses en cadence ou douces romances, chansons qui sont nées au coin du faubourg et que l'on chante toujours. Le dimanche dans la rue, tout autour d'un vieil orgasmatique, une foule presque émue écoute un air plutôt nostalgique. Il évoque les jours des lointaines amours et vers sa jeunesse en fait retour. Dans le cœur ça vous remue, le dimanche dans la rue. De vieux se sont arrêtés et le cœur transporté d'allégresse soupire. Par la musique bercée, ils revoient le passé qui leur fait des sourires. Et de leur grand âge, chassant les nuages, ils ont la joie de pouvoir entrouvrir l'album de leurs souvenirs. Le dimanche dans la rue, tout autour d'un vieil orgasmatique, une foule presque émue écoute un air plutôt nostalgique. Il évoque les jours des lointaines amours et vers sa jeunesse on fait retour. Dans le cœur ça vous remue, le dimanche dans la rue. Évoque les jours des lointaines amours et vers sa jeunesse on fait retour. Dans le cœur ça vous remue, le dimanche dans la rue. Le dimanche dans la rue. Rendez-vous dimanche pour chanter mon bonheur. Chaque fleur qui se penche me prête ses couleurs. J'ai rendez-vous dimanche, mon cœur chavirera follement sous les branches, follement dans ses bras. Un orchestre, un poème, ne sont plus de saison. Il me dira, je t'aime, au son de l'accordéon. J'ai rendez-vous dimanche, le garçon qui m'attend, pour mes yeux bleus pervenches, oubliera le printemps. Si la valse à petits pas, le parfum des lilas nous font tourner la tête, nous irons au bord de l'eau cueillir tant qu'il en faut des baisers en cachette. S'il reste dans mes cheveux des brins d'herbe soyeux à la dernière danse, c'est lui qui les enlèvera, car c'est toujours comme ça que les amours commencent. J'ai rendez-vous dimanche pour chanter mon bonheur. Chaque fleur qui se penche me prête ses couleurs. J'ai rendez-vous dimanche, mon cœur chavirera. Dans le follement sous les branches, follement dans ses bras. Un orchestre, un poème, ne sont plus de saison. Il me dira, je t'aime, au son de l'accordéon. J'ai rendez-vous dimanche, le garçon qui m'attend, pour mes yeux bleus pervenches, oubliera le printemps. Rendez-vous dimanche, le garçon qui m'attend, pour mes yeux bleus pervenches, oubliera le printemps. J'ai rendez-vous dimanche, chanté ici par Lina Margy. Et on continue avec Georgette Plana, Viva España. Depuis mon voyage en plein cœur de l'Espagne, l'ardeur me gagne, mes goûts sont espagnols. Toute ma chambre est décorée de couleurs vives, et je m'enivre en respirant ses fleurs. Sur des affiches de puissants taureaux, sont bravés par les plus beaux hidalgos. Taper dessus pour les voir en pas crouler et pouvoir d'un seul coup de pommerie me retrouver là-bas des charmilles. J'aime I'm

Voici donc le tango de Marie-Lou que j'ai retrouvé. Des neiges avec Guy Denis et son orchestre. Thank you. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. 15h, pratiquement 19 minutes. Trois fois merci, donc je le dis trois fois. Fernand Gignac. Et la vie n'est pour moi qu'une douce musique. Tu m'as donné un amour merveilleux. Tu m'as donné ce qu'il y avait de mieux. Mon cœur et moi te disons tous deux merci. Je n'y suis plus rien. Bon, je pense que le disque est un peu abîmé, donc j'arrête tout de suite ce massacre, si j'ose dire. On va écouter Il y aura d'autres, Paloma Blanca, avec Alfred, non, c'est André Kirchner, pardon. Il y aura d'autres ballons.

à nouveau André Gilles, le plus beau tango du monde. Tango du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras, que j'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit. Un disque s'arrête. Marinera, et là, c'est plus un régime, hein, c'est le vrai Tino Rossi. Hein. Avec toi, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout. Vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blottis contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent dans le regard plein de douceur. Et quand nos corps se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marine est là, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Quand je te tiens, c'est un tel bonheur, oh, comme on ne peut l'exprimer, tout mon être transformé. Je voudrais que ce moment qui me troublait perdument se prolonge éternellement. Marine est là, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour. C'est cette rumba d'amour, son rythme doux, nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blottis contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur, et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marine est là, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos corps se confondent, je ne ferai rien au monde de meilleur. Marine est là, reste encore dans je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. bien qui se termine cette émission de ce lundi 3 août 2020. Cocktail coloré, on se retrouve à samedi. Non, pardon. À l'habitude de l'ancien régime, hein, si j'ose dire. On se retrouvera dimanche à partir de 13h jusqu'à 15h30. Hein. Pour l'accordéon de nos régions et l'accordéon musette, bien entendu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances ou qui partent en vacances, eh bien, bonnes vacances. Bonne soirée et à bientôt. Dans quelques secondes, RDP en direct du Portugal. Il n'y a pas d'émission avec Francky avant le 15 août. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala, on aura des nuits magiques, des bons jours et des bons soirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour, des javas et des nuits blanches, des départs et des retours. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, et nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt, la la la la la la, au revoir et à bientôt. Amanhã, terça-feira, sol em Portugal continental. Algumas nuvens mais durante a parte da manhã. No litoral, entre os cabos Raz e Mondego. Já na Ilha da Madeira, podem cair alguns aguaceiros fracos. Nas vertentes e terras altas da ilha, vertentes norte. Nos Açores, céu parcialmente nublado, com alguns períodos de chuva. É a previsão. Notícias, edição de Miguel Soares. O dia de ontem foi o primeiro sem mortos em Portugal desde o início da pandemia de Covid-19. Os dados da Direção-Geral de Saúde conhecidos esta tarde revelam 106 novos casos de infecção, mais 127 pessoas dadas como recuperadas. A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou mais de 60% do total de novos casos a nível nacional. Os Açores registaram um novo caso positivo na Ilha de São Miguel, um homem não residente no arquipélago. Em conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, voltou a sublinhar sublinhar que não há qualquer alteração na estratégia de testes à população e não há relação entre a descida de novos casos e a realização de testes. Claro que não é verdade que queremos testar menos, pelo contrário, se queremos duplicar a nossa capacidade de testagem, a nossa expansão da nossa rede laboratorial, e se queremos passar dos 12, 13 mil testes diários para os 24, 25 mil testes diários, é porque queremos testar mais com critério e com método. E por isso, a Direção-Geral de Saúde publicou no dia 24 de julho uma norma sobre contact tracing, sobre rastreios de contactos, que veio clarificar e normatizar os procedimentos que já eram, de facto, os procedimentos do terreno. Isto é, deixar à avaliação do risco e deixar à decisão das autoridades clínicas essa possibilidade de testagem. E, portanto, nada se altera. E não há qualquer relação entre a realização dos testes e a descida de casos. Importa, porém, deixar claro que a diminuição das infecções registadas nos últimos dias nada tem a ver com a redução da testagem. Na semana que findou ontem, em Portugal, fez em média mais de 13.300 testes por dia. Não há qualquer orientação para testar menos. Os esclarecimentos do Secretário de Estado da Saúde sobre a realização de testes à Covid-19, António Lacerda Salles, revela-se ainda emocionado com o facto de, pela primeira vez, não ter sido registada qualquer vítima mortal. Relativamente aos zero óbitos, deixe-me dizer-lhe, para nós é um motivo de grande satisfação. Tem sido muito difícil nestes últimos tempos e eu queria dizer que estamos muito felizes em que isto tenha acontecido. Olhamos para estes números com humildade, com cautela, porque sabemos que, de um momento para o outro, esta situação se pode inverter. Os esclarecimentos do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, palavras numa conferência de imprensa onde revelou o número de profissionais do setor atingidos pela Covid-19, 4.195 profissionais desde o início da pandemia em Portugal, entre os quais 553 médicos e 1.289 enfermeiros. Pode nunca ser encontrado um modo simples, eficaz, de resolver a pandemia, admite o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, como aviso, apesar de haver fortes esperanças em que seja encontrada uma vacina. Algumas vacinas estão agora em fase de ensaio e todos esperamos que haja vacinas eficientes que previnam a infecção. De qualquer modo, por agora, não há uma bala de prata e talvez nunca haja. Por agora, restam-nos as medidas da saúde pública para controlar a infecção, testando, isolando, tratando os pacientes e colocando em quarentena os contactos. And quarantining their contacts. A pandemia de Covid-19 já causou mais de 685 mil mortes, infectou mais de 18 milhões de pessoas em 196 países e territórios. O Reino Unido assinou hoje um acordo com a farmacêutica indiana Wockhardt para a produção de milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Trata-se de vacina que está a ser desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. O ministro para os Negócios e Estratégia Industrial de Boris Johnson sublinha que o Reino Unido garante assim a capacidade para fabricar de forma rápida milhões de doses de potenciais vacinas contra o novo coronavírus. O PSD Lisboa quer explicações do Governo para as alegadas falhas no reforço do Serviço Nacional de Saúde. Há sinais, dizem os sociais-democratas, de que o serviço não está preparado para uma segunda vaga de Covid-19. O líder da Distrital Laranja e também vereador da Câmara de Oeiras, Ângelo Pereira, aponta como exemplo os constrangimentos no Hospital São Francisco Xavier. O motivo é não percebemos porque é que o Hospital São Francisco Xavier, que é um hospital de referência da área metropolitana de Lisboa, suspende as suas urgências até à meia-noite de sexta-feira, na semana passada, e, portanto, temos que perceber quais são as razões, numa altura em que o Secretário de Estado da Saúde diz que Portugal está preparado para uma segunda vaga, não percebemos o porquê desta paragem das urgências nesse hospital de referência importante para a cidade e para o distrito de Lisboa. O PSD Lisboa quer um esclarecimento urgente do Governo. Antena 1 já contactou o Hospital São Francisco Xavier e aguarda por esclarecimentos. O Ministério Público vai averiguar se o antigo deputado social-democrata Agostinho Branquinho e o empresário Joaquim Teixeira cometeram crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais na sequência existência de uma carta rogatória. Vão ser analisadas duas pastas contendo informação das autoridades suíças, refere o Ministério Público, numa nota apensa ao despacho final de um outro processo em que o antigo deputado é acusado de receber do empresário um suborno de 225 mil euros para influenciar decisores da Câmara de Valongo a aceitarem a violação de normas urbanísticas na obra de um hospital privado. A análise do Ministério Público vai incidir também sobre diversa documentação bancária apreendida aos dois suspeitos. Incêndio em Santarém, um incêndio que mobiliza 139 bombeiros e dezenas de viaturas, 7 meios aéreos, um fogo que lavra em zona de mato. O comandante Jorge Gama, do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, dá conta de um incêndio com uma frente de fogo ativa. Neste momento já só temos uma frente ativa, aceder aos meios. Temos no local 39 veículos, 7 meios aéreos, 142 operacionais. Neste momento já está 90% dele está controlado, só tem uma frente ativa e está a começar a aceder aos meios. Julgo que dentro de meia hora estará dominado. A expectativa do comandante Jorge Gama para este incêndio em Santarém. As médias dos exames nacionais subiram até 3 valores. Físico-química sobe de 10 para 13,2. Biologia e geologia saltam para os 14 valores. Matemática A tem também uma das melhores classificações dos últimos anos. Um ano letivo, sem paralelo, em que só fizeram os exames os estudantes que se vão candidatar à universidade. É a própria estrutura das provas que ajuda a explicar a subida, perguntas opcionais e valorização das respostas de escolha múltipla. Na análise da Presidente da Associação de Professores de Matemática, Lourdes Figueiral, a média sobe porque a prova foi aparentemente mais fácil e porque houve mais alunos a realizar o exame. Há mais 3 mil alunos a realizar a prova de Matemática A, como também o valor que em anos anteriores rondava a média, digamos, de 11,2, 11,5, 10,9, 11,5, este ano vai para 13,3. Eu penso que tem a ver exatamente com isso. Por um lado, pelo tipo de alunos que vai realizar esta prova e, por outro lado, pelo facto da própria estrutura da prova, em princípio, favorecer as classificações dos alunos. As explicações da Associação de Professores de Matemática para os resultados hoje conhecidos da primeira fase das provas nacionais. Um gigante político, um homem que muito fez para encontrar uma solução pacífica para a Irlanda do Norte. A reação do primeiro-ministro britânico à morte do católico irlandês John Hume, tinha 83 anos. Em 98 recebeu mesmo o Nobel da Paz pelo papel desempenhado na defesa dos direitos civis e na luta contra a violência na Irlanda do Norte durante os chamados Troubles. Sem ele, admite, o antigo primeiro-ministro Tony Blair teria sido improvável alcançar a paz no território. Foi a informação com Miguel Soares na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação está também em noticias.rtp.pt. São 3 horas e 9 minutos. Boa tarde, Paulo Galvão, no trânsito. Acidente em Lisboa, na calçada de Carris. Sim, o trânsito está a parar no sentido Odivelas, Lisboa, devido a este acidente antes da saída para a estrada do Lumiar, onde está tudo muito a vermelho. É na estrada de Palhais, no concelho do Barreiro. Há trabalho junto à Escola de Fuzileiros e o trânsito está bastante demorado. No interior da cidade de Lisboa, ao contar também com a demora das ligações às obras da Praça de Espanha, no Porto Nacional 105, com bastante movimento nos dois sentidos. Entre Ariosa e Águas Santas, a Nacional 14 com as dificuldades habituais nas zonas do cruzamento da Carriça, também na Trofa e em Castelo da Maia, e mais a norte, a variante à Nacional 206, continuam as obras na saída da cidade de Guimarães para Silvares, em direção à Almoço. 821-0101 é o número gratuito que o liga ao trânsito da Antena 1. Então, muito boa tarde e boa viagem, se for o seu caso. Ora, logo mais, as temperaturas poderão baixar aos 14 graus em Coimbra, Porto 15, Lisboa 17, Faro 21 graus de mínima prevista. Já lá por fora, em Luanda, Angola, 20 graus de temperatura para logo mais. Ligue-se à rádio, liga à música e um bom verão. Antena 1, Liga Portugal. Estás à espera de um Romeu que te abra a porta com os olhos no céu, que se entregue todo o tempo, não sou eu. sete vidas e sem um arranhão. Pés bem assentes no chão. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Sou eu, bom, mas é mesmo João Só. Do lado da música, entrada bem tranquila nesta hora, Antena 1. E com a música é sempre a viajar. Agora vamos até uma incrível cidade construída no meio do deserto no estado do Nevada, Estados Unidos da América. Las Vegas. A cidade dos Imagine Dragons. Two hearts, one valve, pumping the blood, we were the flood, we were the body and two lives. One life, sticking it out, letting you down, making it right. Watching the leaves changing the seasons. Some nights I think of you. Reliving the past, wishing it lasts, wishing it dreaming. See you. navegando pelo imaginário musical dos Imagine Dragons. Antena 1. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim. E nesta mix que ouvimos agora, o grupo de Ken Gang pergunta: What time is it? São quase 3:20 da tarde. Pela frente,